Mesdames et messieurs, avec vous ce soir, l'incroyable Emma Psyché. Dans un battement de cils, je conquiers le monde. Quoi qu'il arrive, je tiens les commandes. Regarde-moi, je suis une révolution. Rebeller contre les institutions, contre l'hypocrisie de la censure. Moi je vais changer le monde, j'en suis sûr. Beau gosse, tu peux me faire confiance, tu sais. Des centaines avant toi l'ont déjà fait. On dit de moi, c'est un scandale. Les hommes disent plutôt femme fatale. Pas besoin de maigrir à mort pour être un sexe, sexe, sexe symbole. J'aime les hommes et je les jette. Et pour ça j'utilise ma tête. Autant que mon merveilleux corps. Je suis un sexe, sexe symbole. Le monde sera bientôt mon empire. Je ne suis pas une fille de glace ou de cire. Et si je suis une créature de l'enfer, alors je veux être le péché de chair. On dit mon comportement indécent. J'aime l'amour passionné tout simplement. Mais on dit qu'il faut le voir pour le croire. Et les garçons, venez me voir ce soir. On dit de moi, c'est un scandale. Les hommes disent plutôt femme fatale. Pas besoin de maigrir à mort pour être un sexe, sexe, sexe symbole. J'aime les hommes. Je les jette. Et pour ça j'utilise ma tête. Autant que mon merveilleux corps. Je suis un sexe, sexe symbole. On dit de moi, c'est un scandale. Les hommes plutôt femmes fatales. Pas besoin de maigrir un monde pour être un sexe, sexe, sexe symbole. J'aime les hommes et je les jette. Et pour ça j'utilise ma tête. Autant que mon merveilleux corps. Je suis un sexe, sexe symbole. Sexe, sexe symbole. Sexe, sexe, sexe symbole. Sexe, sexe symbole. On dit de moi, c'est un scandale. Les hommes disent plutôt femme fatale.